Chapitre troisième. Ils attendirent 3 mois. Les enfants grandissaient bien. Maureen se remettait doucement de sa grande fatigue et reprenait quelques travaux d'aiguille à la maison. Le seul problème consistait à savoir où ils allaient planter leurs racines. Des rumeurs inquiétantes arrivaient jusque-là. Il était question de guerre, de libérer les esclaves noirs qui travaillaient si dur dans le sud, qui étaient si maltraités. Quelques années plus tard éclaterait la guerre de sécession. Avec leur expérience de l'agriculture, ils préféraient les terres vierges de l'Ouest. La parcelle était gratuite pour qui la voulait. La seule condition était de la faire fructifier. La volonté, voilà une chose dont ils ne manquaient sûrement pas. Ils avaient travaillé dur ces 4 dernières années et avaient déjà tout acheté en prévision chez Mark Price. Il ne restait vraiment plus qu'à choisir attentivement la destination finale. Ils avaient entendu parler des caravanes de chariots qui partaient au début du printemps, accompagnées par quelques guides bons tireurs pour les défendre. Il fallait qu'ils soient prêts à ce moment-là. Patrick, avec sa soif d'apprendre et son esprit pratique, demanda à son plus proche voisin de lui indiquer le maniement du fusil. Cela s'avérerait indispensable le moment venu pour pouvoir défendre sa petite famille, mais aussi pour chasser quelques gibiers pour agrémenter l'ordinaire. Jonathan et Jeffrey poussaient à vue d'œil comme des champignons. Un soir, Patrick se décida à rencontrer M. Williamson, le menuisier. Bien que ce dernier soit harassé à la fin de sa longue journée, il accepta de le former pendant 1 mois. Patrick apprit ainsi à construire des murs, des charpentes et les quelques premiers meubles indispensables à la vie de tous les jours. Il lui faudrait se débrouiller pour tout le reste. Enfin, les jumeaux allaient sur leurs 6 mois quand leur père donna enfin le signal du grand départ. Le chariot de la famille Emerson avait rendez-vous sur la grande place avec Mark Price. Ce dernier l'avait attelé de 2 bons gros bœufs bien charpentés. Il leur avait conseillé, plutôt que des chevaux, certes plus rapides, mais aussi plus fragiles sur d'aussi longues distances. Les bœufs, plus robustes et résistants, requéraient moins d'entretien. Pas besoin de les ferrer, par exemple, ce qui retarderait encore un peu plus la caravane pendant les haltes brèves qu'ils feraient, et ils serviraient également à labourer leurs terres. Patrick avait fabriqué un grand berceau, sorte de couffin en osier, qui dodelinait pour que les 2 enfants dorment à leur aise. Maureen, quant à elle, avait confectionné les paillasses sur lesquelles ils pourraient prendre un repos bien mérité. Tout était fin prêt pour la grande aventure. La terre promise. Monsieur Stewart, chef de la caravane, avait décidé de partir le 3 avril 1862 à 4 heures du matin très précisément, et gare au retardataire. Le rendez-vous avait été donné une semaine plus tôt à la 20aine de chariots qui partiraient pour le Texas. Ils devraient tous se rejoindre devant l'église. Ils feraient le compte de tous leurs membres, puis remonteraient la grande rue direction le Grand Ouest sauvage. Ce matin-là, Mark Price et Jack Le Borgne, devenu son second intendant, prenaient leur petit déjeuner quand ils entendirent le branle-bas que faisait le convoi en s'ébranlant. Passant la tête à la fenêtre, ils purent saluer les quelques familles toutes irlandaises qu'ils avaient aidées. Étaient réunis eux aussi M. O'Reilly, Mme Vaughan, ainsi que le cher vieux Dr. Jones. Ce dernier s'avança vers le chariot des Emerson. « Alors ça y est, mes enfants, vous nous quittez. Vous en avez de la chance. Ah, voir ce beau pays. Je suis bien trop vieux désormais. Mais je ne dis pas qu'à votre âge, je ne me serais pas laissé tenter. Enfin, les enfants sont en bonne santé, votre charmante femme et vous aussi. Tout va donc pour le mieux. Je vous souhaite bonne chance, mes petits. Faites surtout bien attention à ces sauvages à peau rouge. On dit qu'ils sont cruels et sans aucune pitié. Il vaut mieux tirer avant et parler après. Jones, enfin vous allez leur faire regretter leur départ si ça continue, s'exclama Mac Price. Ils sont jeunes et forts. Ils y arriveront, vous verrez. Ah, si seulement. Oui, eh bien, vous n'y êtes pas, et je n'ai pas terminé, nom d'un chien. On ne vous a jamais dit qu'interrompre quelqu'un était d'une grande impolitesse, jeune homme. Mon Dieu, où va-t-on, je vous le demande. Ne vous fâchez pas, docteur Jones. Je crois que monsieur Price voulait justement voir si votre fichu caractère d'Irlandais ne s'était pas envolé avec les années, expliqua Patrick en riant. Je lui ferai voir ça après. Nous aurons tout le temps. En attendant, Maureen, avez-vous emporté la potion que je vous ai remise contre les coliques pour les petits? Il y en a qui feraient bien d'en prendre, ça les rendrait plus aimables et plus respectueux. Je l'ai soigneusement rangée. Je ne vous remercierai jamais assez. Je prierai pour vous chaque jour que Dieu fait. Grâce à vous, je vais pouvoir faire face à tous les petits bobos de la vie quotidienne. Maureen se pencha et déposa un gros baiser sonore sur la joue parcheminée du docteur, qui en rougit comme un jeune homme. Puis elle reprit. Encore merci du fond du cœur, docteur Jones, et adieu. En effet, pendant que Patrick apprenait la menuiserie, ou du moins les rudiments, Maureen, quant à elle, allait tous les jours chez le docteur Jones, qui lui inculquait le semblant de médecine que l'époque permettait d'assimiler. Il lui indiquait diverses méthodes pour soigner les petits maux comme les coliques, mais aussi plus graves comme les blessures dont pourrait s'infliger Patrick tout en travaillant. Philip Jones avait été très heureux et honoré de transmettre un peu de son savoir à cette jeune femme si courageuse. Il pensait que désormais, s'ils arrivaient à bon port, ils pourraient mieux s'en sortir. Mais qui sait, faire fortune. Les terres de l'Ouest étaient fertiles, et le courage des jeunes gens à toute épreuve. Ils avaient dépensé toutes leurs économies d'un dur labeur de 4 ans d'efforts. Ils partaient avec des semences de blé, de maïs, des graines de haricots, de tomates, des pommes de terre, de la viande séchée, un gros pain de sel, un baril de poisson en saumure, quelques sacs de farine et des haricots secs pour leur consommation. Ils avaient donc de la réserve pour une seule année. Après, il ne faudrait plus compter que sur la seule terre nourricière et leur courage. Les 20 chariots se traînaient sur la route, ou plutôt les pistes longues, sinueuses et semées d'embûches. Ils comptaient tous mettre 3 mois pour arriver à destination. Si Dieu voulait bien leur venir en aide. Quelques vieilles ballades s'élevaient en tête de file. Certains fourrageaient déjà dans leurs chariots. Ils s'arrêtèrent à 10 kilomètres de la ville pour la première étape. Il leur semblait pourtant avoir déjà parcouru bien plus que cela. Leur dos moulu et la sueur qui leur coulait et brûlait leurs yeux fatigués leur indiquèrent le moment de faire halte. Le chef cria « Pause déjeuner et pas de grosses affaires. Nous n'avons pas le temps de mettre les petits plats dans les grands. Les invitations seront plus tard, compris? On repart dans 1 heure, et il en sera désormais comme ça tous les jours que Dieu fait. Ensuite, on ne s'arrêtera qu'à la nuit tombante. » Stewart était un homme de forte corpulence. Ses cheveux, coupés en brosse, commençaient à grisonner. Patrick se dit que cet homme-là sortait de l'armée, avec sa manière brusque de lancer sèchement des ordres. Ils apprirent plus tard que cet homme-là était surtout un homme de grand cœur. Ils se sustentèrent à l'arrière du chariot, et Maureen chanta une berceuse aux jumeaux qui, avec tout ce remue-ménage, ne réussissait pas à s'endormir. Toute la colonne se remit en marche sitôt terminé le déjeuner, sans discussion. Quelques morceaux de viande cuits la veille avec des haricots, mangés froids, firent l'affaire. Mais le lendemain, il faudrait faire cuire le repas du midi à la halte du soir. Stewart leur parla longuement de la piste qu'ils emprunteraient. Ils avaient déjà fait 2 fois le voyage et la connaissaient bien. Cependant, des surprises, souvent désagréables, pouvaient toujours survenir. Il y avait quelques ruisseaux à traverser qui se mettaient à gonfler et à bouillonner à la suite d'un violent orage, ou bien encore des attaques de peaux-rouges sanguinaires et cruelles. Je vous donne juste ce conseil, mesdames et messieurs. S'ils vous prennent, alors il vaut mieux vous donner la mort plutôt qu'ils ne vous la donnent eux-mêmes. Tous les pionniers l'écoutaient attentivement, sidérés quelquefois devant tant de violence, eux qui n'aspiraient qu'à de la bonne terre à cultiver pour y élever tranquillement leur petite famille. Bien sûr, continuait Stewart, on essayait bien de repousser ces sauvages dans des territoires qu'on leur avait assignés, mais ils s'échappaient et continuaient à attaquer les caravanes de chariots, d'où l'intérêt, en traversant leurs anciens territoires, de redoubler d'attention. Il faudra, sur mon ordre, obéir immédiatement. Les chariots devront se mettre en cercle, et si nous n'avions pas le temps, tout le monde devra se mettre à plat ventre, en dessous. Personne ne devra rester à l'intérieur. J'ai connu une famille qui a brûlé vive pour avoir commis cette imprudence. Vous m'avez payé pour mes conseils et ma protection. Ne l'oubliez jamais. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, j'aime autant qu'il parte et poursuive sa route tout seul dès maintenant. Me suis-je bien fait comprendre? Tout le monde acquiesça. Quand vint la halte du soir, les voix s'étaient tues depuis longtemps. Le convoi était harassé et courbattu. Et il fallait encore aller puiser de l'eau pour la cuisine, bouchonner les bêtes, allumer un feu et préparer les repas. Les jumeaux étaient grognons. Cela promettait une très mauvaise nuit. La famille Emerson s'était placée en queue de peloton, un peu plus loin, pour ne pas réveiller les autres en cas de cris et de pleurs des deux bambins. Stewart leur fit dès la première nuit la remarque que cela n'était pas prudent. Puis, tout compte fait, 2 nuits blanches plus tard, il accepta mieux la chose, mais fit garder le chariot par un homme, bien que n'étant pas en territoire indien et que le risque soit moins grand. La piste poussiéreuse et sans grand danger, le convoi était bien armé, laissant tout le temps aux familles de penser à leur future terre. Mais tous les soirs, fourbus, harassés, courbattus, après les repas, ils ne songeaient plus qu'à un repos bien mérité du reste. La première semaine fut plutôt monotone, sans autre grand intérêt que celui de prendre ses marques et ses habitudes. Une certaine routine qui finalement s'installa relativement vite. La première halte se fit à Altoona. Il fallait refaire des réserves en eau potable et surtout laisser les hommes et les bêtes se détendre quelque peu. Pendant que les femmes s'installaient au lavoir, les hommes, quant à eux, s'occupaient de réparer leurs chariots, de faire paître et bouchonner leurs bêtes. Après les corvées, bien sûr, vint le moment de la détente, et le petit saloon se remplit vite de conversations grivoises et de rires avinés. Cette nuit-là, au retour, on entendit bien quelques cris de colère parmi les femmes qui retrouvaient leurs conjoints ivres et quelquefois en piteux état à cause d'une méchante bagarre. Mais finalement, elles se calmèrent bien vite, pensant que cela se reproduirait hélas également dès la prochaine étape, pourvu que l'on traverse de nouveau un village. Après tout, leurs hommes travaillaient bien durement, sans rechigner, et les quelques horions reçus les avaient en quelque sorte défoulés de leur harassant périple. La semaine qui suivit fut réglée sur le même rythme que la précédente. Mais en arrivant à quelques lieues de Pittsburgh, un incident se produisit. Les femmes commençaient à préparer le repas du soir au bivouac lorsque l'on entendit des détonations. Les hommes cessèrent immédiatement leur discussion autour du feu et sortirent précipitamment, qui son revolver, qui son fusil. Stewart bondit sur sa carabine et enjoignit aux hommes de se tenir prêts à toute éventualité. Maureen se précipita à l'entrée du chariot pour prendre le couffin des enfants et s'installer en dessous près des roues. Une petite troupe d'une demi-douzaine de cavaliers s'avança dans leur camp, pistolet au poing. Leur chef, un homme d'une trentaine d'années, visiblement mexicanos, le chapeau vissé bas sur le front, le visage en lame de couteau, un mauvais rictus sur les lèvres, les dévisagea avant de prendre la parole d'une voix de fossé. Bonsoir, bonnes gens. Ça sent rudement bon ici. Mes hommes et moi avons fait une longue route et sommes affamés. Pas vrai, les gars? Fit-il en se retournant à demi sur son cheval. Les vauriens acquiescèrent de concert en ricanant. Puis il reprit la parole en s'adressant à Stewart. Nous vous demanderons seulement un bon repas avant de repartir. Raisonnable, non? Stewart, ne les quittant pas un instant des yeux, se recula loin du cercle lumineux du feu de camp. Et pourquoi devrions-nous vous donner de la nourriture? Vous êtes assez nombreux pour chasser, et bien assez grands pour vous nourrir. Sachez que pour ces gens, la nourriture est plus précieuse que l'or. Le Mexicano ricana et dit. Très bien, dans ce cas, on vous laisse la nourriture, on acceptera juste l'or. Stewart répondit aussitôt, le doigt sur la gâchette, espérant que tous ces hommes en feraient autant. Nous n'avons ni or ni argent. Je vous conseille de passer votre chemin. Vous êtes armés, mais si vous regardez autour de vous, vous verrez que nous le sommes aussi. De plus, nous sommes plus nombreux. À ce moment précis, ils entendirent les hommes de Stewart armer leurs fusils. Mais les bandits n'avaient bien entendu aucune envie de s'en aller aussi facilement. Peut-être pensèrent-ils que de pauvres paysans ne sauraient pas s'en tirer aussi bien qu'eux. Toujours est-il qu'un des bandits sortit un deuxième pistolet et le pointa sur Stewart. Ce dernier se jeta au sol et tira en même temps. Un vacarme retentit aussitôt dans le petit campement. Deux bandits tombèrent de cheval, morts. Alors le chef ordonna une retraite rapide et ils partirent au grand galop. La fusillade n'avait duré que quelques secondes. On se compta, puis recompta, on essayait de voir qui pouvait manquer à l'appel, mais sans aucune discipline. Stewart se releva en se dépoussiérant et leur demanda le silence. Allons, mes amis, restez tranquilles quelques instants. Nous devons tous nous réunir par chariot, par famille. Ensuite, je passerai et nous verrons si quelqu'un a besoin d'aide. Puis, élevant la voix, y a-t-il quelqu'un de blessé? Aucune réponse ne lui parvint. Je crois que déjà nous pouvons nous réjouir d'en avoir échappé à si bon compte. Mais je vais quand même faire le tour du camp. Retournez tous à vos chariots et restez-y en m'attendant.